Quand on parle de karma, on parle inévitablement de quelque chose qui dépasse la mémoire de la personne dans une vie. Quand on parle de karma, on va au-delà de la mémoire du cerveau, donc de la mémoire humaine. On s'en va dans une mémoire qui est l'ensemble de vos réincarnations. Pour comprendre le karma de la famille, il faut avant tout comprendre comment l'âme s'incarne. Puis une âme, pour s'incarner, elle a besoin d'une pulsion de l'esprit. Donc un esprit, selon ce qu'il veut vivre comme sport extrême, il choisit un habillement qui est un ego, avec un plan de match, qui est le programme de vie. Un esprit, avant de s'incarner, se choisit un mode d'action, un mode d'opération qui va pendant X années servir à un développement d'un âme en particulier. Le processus est relativement complexe dans le sens, pensez en termes de vous autres là, qui aimeriez avoir des animaux et qu'éventuellement ils vous parlent. Vous pouvez comprendre assez facilement que ça peut prendre 400-500 ans à développer ça. Mais si vous n'êtes pas pris dans le temps, dans le sens que vous êtes immortel, donc vous êtes de l'esprit, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, ça n'a pas d'importance. Fait que vous allez utiliser toute votre science à éventuellement faire parler un lion, une girafe, un chat, n'importe quoi. Vous le perfectionnez au travers du temps, que lui est dans le temps. Vous autres, vous n'êtes pas dans le temps, vous n'êtes pas pris par le temps, vous êtes dans l'espace. Bon, imaginez-vous que vous autres, vos incarnations, c'est du domptage de l'esprit d'une forme qu'on appelle l'âme, qui est pour l'esprit de l'âme, c'est comme un animal qui apprend à dompter, mais avec lequel la science de l'esprit est tellement avancée que l'esprit peut se marier à l'âme pendant un processus de vie pour dompter l'âme à partir de la proximité qu'il a dans un ego. On se suit-tu, là? Bon, c'est comme si vous dites, là, moi... Pour faire parler un chat, je vais vivre avec une grande, grande proximité. Il va dormir avec moi, il va manger avec moi, il va tout faire avec moi. Bon, ben, c'est comme si l'esprit, la science est tellement avancée qu'ils peuvent cohabiter avec de l'âme pour faire évoluer l'âme, c'est-à-dire pour monter la vibration de l'âme jusqu'à temps que l'âme ait pratiquement le statut de l'esprit. Mais ils ont besoin d'une enveloppe pour ça qu'on appelle l'ego. Fait, quand on dit que quelqu'un a de l'ego, on réfère souvent au fait qu'il réfléchit dans l'ego, des expériences d'âme. Mais un ego transparent, c'est rendu de l'esprit. C'est-à-dire que l'âme, dans sa cohabitation avec l'esprit, a réussi à élever sa vibration tellement haute qu'il n'y a plus de réflexion, donc techniquement, il y a transparence totale. Ça va? Bon. Avec le cours 101 sur l'incarnation, on peut commencer à parler du karma de la famille. La famille, c'est... C'est un peu comme si vous allez pour le hockey, là, comment ça s'appelle, le forum. Vous allez au forum, puis vous avez comme toute l'atmosphère, puis l'ambiance, le climat des joueurs de hockey qui ont été là pendant 50 ans. Ou les gens qui font des arts martiaux, ils s'en vont sur des terrains de combat où il y a eu des combats de samouraïs au Japon. Puis ils vont sentir, s'ils sont un petit peu sensibles, puis un peu médiums, ils vont sentir les combats samouraïs sur ces terrains-là. Et puis, ce qui habite ça, c'est ça de la famille. Vous allez dire, c'est pas plus physique que ça. C'est que les gens qui composent une famille sont habités par un état d'esprit qui se retransmet génétiquement et qui donne, ni plus ni moins, à l'individu une sorte de compréhension de son mandat ou de son rôle à jouer face à la collectivité, puis face à lui-même, puis face aussi aux gens qui sont à proximité, donc sa famille. Il fait comme... Il va vibrer des pensées d'âme, puis il va avoir de l'esprit qui va lui dire, « Bon, ben là, toi, dans cette âme-là, il va falloir que tu résolves le problème de polarité de ça, ça, ça, ça. » Mais comme le père et la mère ont passé avant, mais c'est comme un héritage. Puis si tu remontes plus haut que le père et la mère, tu vas au grand-père, puis à la grand-mère, puis à l'arrière-grand-père, puis à l'arrière-grand-mère, tu vas trouver comme une chaîne des choses qui doivent se régler d'une génération à l'autre, puis qui sont la même chose, mais qui, plus la génération avance, plus il est supposé y avoir une amélioration dans cette espèce de chaîne karmique-là. Et où tous les individus qui font partie de la chaîne sont victimes à la fois d'un talent, je dis bien victimes d'un talent parce que ça t'est imposé, puis aussi victimes d'une épreuve que le talent doit transmuter éventuellement. Donc, on va blâmer nos parents de ci ou ça, mais nos parents blâmaient nos arrière-grands-parents, puis nos arrière-grands-parents, bien, blâmaient aussi. Puis finalement, on se rend compte que ce qu'on blâme, c'est ce qu'ils ont subi, puis qu'ils ne pouvaient pas corriger parce que l'époque ou la culture ne le permettait pas. Il n'y avait pas, exemple, une liberté au niveau de la religion, une liberté au niveau économique que la nouvelle génération a. Et ces gens-là, dans leur limitation, bien, ont été inévitablement confrontés à des arrêts de développement. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Pensez juste à ceux qui sont tapés à religion pendant des années, qui ont été avec des parents et des grands-parents qui étaient excessivement religieux. C'est sûr que tu ne peux pas avoir la même liberté d'expression et la même liberté de mouvement qu'un jeune aujourd'hui qui ne sait même pas ce que c'est un prêtre, qui ne sait même pas ce que c'est aller à l'église, qui se demande même « c'est quoi ça, l'affaire de Dieu? Tu as été chercher ça où, toi-là? Là? » Tu sais, fait que il se rappelle qu'on a parlé de ça quand il était jeune, quand il allait voir ses grands-parents. Mais dans deux générations, ils ne se rappelleront plus de rien. Premièrement, ils ne se rappelleront même plus c'est qui le père et le main. Ça divorce tellement puis ça se remarie tellement. Fait que on se retrouve dans un contexte où le phénomène karmique, c'est pas un point où on peut se permettre d'accuser ou de responsabiliser quelqu'un. On peut simplement faire un constat qu'on habite un corps, qu'on habite avec une âme, c'est-à-dire, moi, quand je dis « on habite », je parle de l'esprit, qu'on habite avec une âme qui nous impose une certaine programmation émotionnelle, vitale et physique, pour pouvoir traverser avec notre talent les épreuves qui nous sont accrochées avec ce fameux talent-là. Fait que c'est comme si dans une incarnation, vous bénéficiez d'un talent qui vous permet de faire des choses parfaitement, et vous bénéficiez d'un paquet d'épreuves qui servent à renforcer votre talent ou à lui donner ce qu'on pourrait appeler des occasions de faire la preuve que vous êtes vraiment engagé et motivé à aller au Donc, quand on parle de chaîne karmique, une chaîne karmique, c'est une continuité d'un développement qui a commencé il y a des milliers d'années et que, sans le vouloir, ou sans le savoir, il y a des milliards de gens qui participent à ce développement-là. Le développement étant de retourner à la source, de revenir après des milliers d'années au contact originel, c'est-à-dire de revenir à ce qu'on appelle le contact avec ses pères, les pères étant les êtres qui nous ont créés, et reconnaître que ce que l'on est comme création, c'est eux autres. Combien de milliers d'années qu'il faut? Il en faut beaucoup parce que ça se passe... c'est comme le phénomène du Big Bang là, qu'on explique, là, du flux et des reflux des galaxies, là, ces choses-là. Bon, ben, c'est un peu ce principe-là. On est dans une période dite privilégiée, un peu comme dans le temps de l'Atlantide, où il y a une finalité. Dans le temps de l'Atlantide, il y avait une finalité. Il y a eu ce qu'on appelle un apocalypse dans le temps de l'Atlantide. Et tout le jugement dernier, qu'on parle tant dans la Bible, ben, il s'est fait à ce moment-là pour comme faire le bilan de où est-ce que les âmes, à travers un développement de 10-15 000 ans, où est-ce qu'ils en étaient rendus dans leurs incarnations. Là, on est présentement dans ça. On est là, assis sur un jugement dernier, qui se fait sur une phase de 200-300 ans. Et on est des privilégiés de pouvoir être capables de comprendre la fin des choses. Parce que vous êtes dans les chanceux qui vont voir la fin des choses. La fin des choses étant, je ne sais pas, autre que d'autres choses que des transformations majeures au niveau des formes de pensée, des idéologies, des façons de vivre. Tu sais, exemple, on est dans une société qui vit beaucoup en fonction de l'argent. Je peux vous garantir que dans 200 ans, ça ne se passera plus comme ça. Pourtant, on va avoir connu 2-3 000 ans où les valeurs matérielles ont été prédominantes. Et où, dans 2-3 000 ans, ça ne sera pas ça qui va être prédominant, parce que la science va avoir dépassé la notion d'échange par des mécaniques matérielles. Rappelez-vous du temps où il fallait absolument avoir de l'argent sonnant pour pouvoir faire des échanges, alors qu'aujourd'hui, ben, juste avec une carte de plastique, vous pouvez transférer des montants monumentaux d'une banque à une banque sans jamais rien voir du papier. Ben, imaginez-vous, encore un autre 100 ans, à quel point ça peut avoir avancé la technologie, puis la notion qu'on se fait du travail, et puis de comment qu'on adapte les systèmes bancaires à des nouveaux besoins. C'est ça qui s'en vient, puis c'est ça qui est inévitable de vivre, puis c'est ça qu'on appelle du développement. Donc, la lecture qu'on se fera à ce moment-là de ce qu'on appelle un salaire aujourd'hui sera interprétée très différemment dans 500-600 ans. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, on est bénéficiaire d'un talent et en même temps d'une épreuve. Bon, je vous ai expliqué dans quelques conférences qu'il y avait la fameuse intelligence du mal. Le mal étant une obstruction au bien, ça va de soi, et à être bien aussi, tu sais. On est bien, et puis il y a quelque chose qui se passe, puis on n'est plus bien. Et puis ça, vous avez remarqué dans votre vie que quand vous êtes bien, c'est temporaire, puis que quand ça va mal, c'est aussi temporaire. Parce que si ça irait vraiment mal, vous seriez mort. Puis comme vous n'êtes pas mort, il y a une raison. Et considérant le fait que la raison, c'est que vous continuez à vivre, bien, ça va toujours mal temporairement jusqu'à temps que ça aille mal final, pour être bien de l'autre bord. T'sais? Donc, le bien précède le mal et le mal précède le bien. Donc, considérant le fait que si vous avez un talent, vous allez nécessairement être éprouvé en fonction de votre talent. Là, n'essayez pas de cacher votre talent. Ce que vous ne pouvez pas montrer aux autres, il y a quelqu'un qui va le découvrir, c'est sûr. Puis il va vous tester, même si c'est en catimini, là, si vous êtes seul avec l'autre, vous allez être testé sur la richesse cachée que vous avez. Combien de femmes qui disent « je ne dévoilerai pas ci, je ne dévoilerai pas ça », mais plus fort qu'eux autres, à un moment donné, ils ont besoin d'une prise en charge et de quelqu'un qui va partager avec eux ce qu'ils ont à donner de précieux et de secret. Et là, curieusement, celui qui découvre le trésor devient un monstre d'ego. Et devient une épreuve pour ce talent et cette richesse qui a été cachée aussi longtemps. On n'échappe pas à ça. Bon. Fait que il faudrait faire des poèmes, hein, tu sais, on pourrait, avec un petit peu d'effort, là, puis une meilleure nuit de sommeil, là, ça serait super bon. Mais tout ça pour dire qu'on est toujours bénéficiaire d'un talent. Toute notre vie, à cause qu'on a toujours l'impression que ça va mal, ça, c'est parce qu'on a assez d'ego pour penser que la vie ne nous aime pas, qu'il n'y a personne qui nous aime, et puis que là, on regarde toujours juste ce qu'on n'a pas, puis on ne regarde pas aussi ce qu'on a. Ça, c'est le problème des gens que quand ils ont un talent, ils voudraient avoir quelque chose d'autre. Le talent du voisin, ils voudraient avoir un talent qui soit très, très, très, très rapidement abouti dans une performance publique et sociale incroyable, et ne regardent pas que l'épreuve qui lui est présentée est simplement une occasion d'aller renforcer, tester leur structure pour justement prendre la fameuse expansion qui semble pour eux autres être le bout du bout. OK? Plus vous bouffez de l'épreuve, plus vous pouvez faire des grands voyages, plus vous pouvez aller loin, plus vous pouvez aller au-delà que ce que l'ego pense qu'il est capable de. Parce que l'ego, ce qu'il pense qu'il est capable, c'est à peu près généralement un centième de ce qu'il peut vraiment faire. Fait que vous pouvez imaginer que votre réflexion puis votre façon de penser est une sérieuse limitation à vos capacités. Mais pour défoncer ces fameuses capacités qui sont, je dirais, en apparence restreintes, il faut des épreuves pour saisir la nature de votre talent et sa capacité d'intervenir dans des occasions qui sont en dehors de votre contrôle et qui sont souvent appointées par votre programmation karmique. Là, vous avez dans tête que la conférence que je fais, c'est sur le karma familial. Vous allez dire, il s'éloigne, là, il nous parle du karma, mais il ne parle pas de la famille. Je vous parle de tout ça pour vous faire comprendre que quand on veut découvrir son talent, un autre petit coup, quand on veut découvrir son talent, on regarde dans nos liens familiaux et vous allez savoir tout de suite ce que vous avez hérité, que si vous mettez sur le marché ce talent-là, ça va réussir facile. OK? Et la nature de vos épreuves, elle est également marquée dans votre famille. Votre mère avait peur du tonnerre, il y en a un des enfants qui va hériter de la peur du tonnerre, ou qui va avoir peur de se faire engueuler par le mari parce que ça ressemble au tonnerre. Il y a toujours un rapport entre les talents qui sont dans le papa et la maman, puis ils sont aussi lié à une épreuve. Il y a une épreuve dans une famille. Tu sais, il y a une façon de penser qui est limitative dans une famille. Ça va se transposer dans l'enfant, ça. Vous autres, en tant qu'individus, ceux qui ont été parents, ou qui le sont, ou qui vont le devenir moins sûrs, là, mais qui l'ont, qui le sont, là. On reste à ça, là. Ah non, ben, tu sais, c'est parce qu'il faut que je calibre l'âge aussi dans la salle. Et puis, bon, ben, c'est ça. Vous êtes les vecteurs d'une épreuve pour vos enfants. OK? Puis vous êtes aussi à l'origine de leurs talents. Fait que l'enfant, lui, est obligé de passer à travers des peurs que vous n'avez pas réglées. Puis souvent, ce que vous n'êtes pas capable de régler, c'est l'enfant qui a l'obligation de le régler. Oubliez-le pas, ça. L'obligation. Puis si votre enfant ne le règle pas, ça va être vos petits-enfants qui vont être obligés de le régler. OK? Nous autres, dans la famille, là, aussi loin que j'ai remonté à mon arrière-grand-père, ça fait quand même pas loin des années 1800. On a toute une quadrature Uranus-Saturne dans nos caps. Puis j'espère que mon gars va être le dernier à l'avoir. Fait que mon gars, c'est la quadrature Uranus-Saturne. Moi, j'ai ça. Mon père là, mon grand-père là, puis mon arrière-grand-père là. OK? Ça, c'est une marque d'empressement. On est pressé. On a de la misère à contenir le temps. Beaucoup, beaucoup de problèmes à contenir le temps. Donc, c'est du monde pressé. Moi, je vais dire à mon gars, fais pas de vitesse. Moi, j'en fais, mais il me dit, c'est lui qui va régler le karma. Mon père avait un problème de vitesse. Mon grand-père aussi. Puis mon arrière-grand-père, il faisait des courses de chevaux. Fait que ça, c'est dans la chaîne karmique. Ça arrête là, ouais, c'est ça. Faut que tu trinquantes dans une autre famille. Si tu veux continuer. On reparlera de ça, à un moment donné, là, l'affaire des enfants, pas d'enfants, parce que là, on est dans une fin tique. Dans une fin tique, tu sais, il disait tout le temps dans la Bible, c'est pas le temps d'avoir des enfants là, dans une fin tique. Parce que ça, là, c'est des vieilles âmes qui s'incarnent. Puis souvent, les âmes qui s'incarnent en fin tique sont très souvent plus intelligents que leurs parents, tu sais, okay. Parce que c'est des vieilles âmes, justement. Ça, ça crée des grosses perturbations dans la maison. Une des raisons pourquoi il y a tant de divorces, c'est ça, c'est que les enfants, pour avoir l'espace de se développer sans avoir de conditionnement exagéré, sont obligés d'être dans des familles éclatées parce que là, il y a moins de restrictions, il y a moins de blocages qui s'installent. Et puis, conséquemment, en ayant moins de rigidité, bien, ils sont plus dans un développement autodidacte, ce qui fait l'affaire à l'esprit parce que l'esprit n'est pas obligé de se battre contre la mémoire. Comprends-tu? Fait que, il y a bien des phénomènes sociaux qu'on vit aujourd'hui qui apparaissent comme un chaos, mais qui en fait est simplement un facteur de dilatation parce que l'énergie est très forte, très intense, puis les anciennes structures, les anciennes formes ne peuvent pas contenir ça, c'est trop fort pour de l'ego. Il y a juste de l'esprit qui peut engendrer un gouvernement qui soit géré par l'esprit. On assiste, là, on est dans les derniers 200-300 ans de gouvernement égoïque. Là. C'est tout ce qui est gouvernement qui s'approprie le pouvoir, c'est dans une finale. Ça. C'est une finale pour les religions, puis c'est une finale pour les structures gouvernementales telles qu'on les connaît. Éventuellement, je ne peux pas dire quand, là, mais dans bien longtemps ou dans très proche, on va avoir des éclatements épouvantables au niveau des structures de pensée, au niveau politique, au niveau structure gouvernementale. Et puis là, il va apparaître une nouvelle façon de faire qui ne pourra plus être enregistrée ou acclimatée à une psychologie personnalisée. Il n'y aura plus personne qui va mettre des êtres humains en... on appelle ça des fan clubs, là, qui vont être mesmérisés par du monde. On assiste à l'effondrement systématique des comportements réflexifs dans le monde. La fin des dictatures, la fin de toutes les astines magouilles qu'on connaît. Un jour, la justice se fera par vibration, elle ne se fera plus par des affaires de lois, de prison, des affaires de même. T'sais. Ça va être une vibration qui va limiter la capacité de faire d'une personne, puis qui va endosser une capacité de faire de quelqu'un. Ça s'en vient, là. Mais comme je te dis, là, c'est combien de temps? Je ne sais pas. C'est aussi vite que l'esprit rentre dans la matière, mais c'est aussi lent que les gens ne sont pas capables de contenir les conséquences de l'éclatement. On tient-tu plus de notre main que de notre paye? Pas vraiment, non. En général, ce qu'on va chercher de notre paye, c'est la structure. S'il ne nous en a pas donné, bien, c'est ce qu'on a à faire, justement, de se créer une structure. Quand il nous a donné une structure, c'est de réussir soit à la perfectionner ou s'en sortir. Plus la structure est parfaite, plus il faut s'en sortir. Moins la structure est complète, plus il faut la finir. Ça se comprend-tu? Le paye apporte une structure. Tu sais, tu vas prendre exemple les entreprises familiales. Les enfants vont perfectionner la structure si la structure n'est pas finie. Puis si la structure, le père a réellement fait le tour de tout ce que la structure peut faire, l'enfant va l'entretenir un petit peu, un certain temps, puis éventuellement, il va la vendre, puis il va s'en aller dans un autre secteur. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas au monde pour faire la vie de ton père, tu ne viens pas au monde pour faire la vie de ta mère. Tu viens au monde pour vivre ta vie, puis si ta vie, c'est de continuer quelque chose que le père n'a pas fait, mettons qu'il aurait eu le goût de faire du piano, mais il a fait de la business, bien, tu vas devenir un virtuose du piano, plutôt qu'un homme d'affaires. Parce que tu vas toujours aller là où l'autre n'a pas complété quelque chose. Fait que si vous dites « mon père et ma mère sont incomplets », dites-leur merci parce que c'est tout l'espace que vous avez pour faire mieux qu'eux autres. La suis-tu? Moi, j'ai fait des études en commerce. J'ai étudié en marketing. Puis j'ai fait un petit peu de temps, j'ai fait un an en transport. Puis je suis tombé astrologue l'année d'après. Mon gars, il fait de l'importation-exportation. Il réussit très bien à vendre puis à acheter avec les Chinois. Donc, il a pris le transport, le système de mailing, puis le commerce, achat-vente. Fait qu'il était là où moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini de faire mes études dans le concret. J'ai simplement été dans l'abstrait du domaine du marketing et du transport. Puis lui, il a complété ça. Sa mère, elle avait un talent extraordinaire dans l'écriture. Elle n'a pas poussé son talent. Puis là, il s'en va dans le scénario, puis il va écrire un film, puis il va faire un film. Il va compléter l'autre partie. Parce que lui, il est fils unique, hein, il s'est tapé deux, le père et la mère. Tandis que quand il y a des familles de 3 ou 4, ils se répartissent la charge avant de s'incarner. Toi, tu vas t'occuper de ça, je descends tout de suite. Toi, tu vas t'occuper de ça un peu plus tard, je descends. Puis là, après 10 ans, ils sont tous sur place. Puis ils s'occupent de tout ce que le père et la mère n'ont pas fait, n'ont pas fini. Bien, c'est parce que tu es loin, hein? Non, mais tu te rapproches, tout est réglé. C'est parce que je ne peux pas parler fort non plus, parce que j'aurai plus de voix dans 5 ou 10 minutes. Donc, l'individu qui perfectionne une dynamique qu'il a dans sa famille, c'est parce qu'il y est donné l'occasion d'aller dans le... Si le père ou la mère ont été bien, bien, bien loin dans un registre, ça ne donne pas d'espace pour l'enfant à développer ça. Puis quand vous êtes capable de regarder ça comme ça, vous allez voir que les manquements de vos parents, c'est des occasions de faire mieux qu'eux autres. Puis que les zones parfaites de vos parents, c'est des zones que vous autres, vous n'avez même pas tenté d'aller explorer. T'sais. Fait que, vivre les défauts, dans un sens. Puis les qualités, bien, tu sais, des fois, on a un père qui est bien, bien, bien, bien autoritaire. Puis le fils, lui, a de la misère à être autoritaire. Il ne peut pas prendre l'espace d'autorité dans la maison que le père a. Souvent, l'enfant est obligé d'aller à l'extérieur, souvent même très loin de la maison, pour se faire un pivot d'autorité, une zone de contrôle qui lui soit très, très personnelle, pour échapper, on va appeler ça comme ça, la dictature karmique des parents, qui se transpose toujours psychologiquement par un raisonnement. Fait que le père, la mère ont un raisonnement, puis qui est très bien adapté à leur environnement. Fait que l'enfant n'a pas le choix, il faut qu'il change d'environnement complètement pour se couper complètement des influences dictatoriale de la psychologie familiale, qui est toujours très bonne, parce qu'elle est supportée par un excellent raisonnement. Puis là, ben, les parents vont dire, bien, mon enfant, il subit beaucoup d'influences à l'extérieur de la maison. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'espace pour les influences qu'il conserve ou qu'il subit dans son habitat naturel, bien, ça ne lui donne pas la motivation ou la volonté de déclencher quelque chose. Parce que c'est trop shortcut, là. On a des comportements délinquants parce qu'on réagit à des bonnes affaires de nos parents, puis qu'on ne veut pas prendre parce que les mauvaises affaires ont toutes pris le terrain. Tu sais, les bouts qu'il fallait compléter et qu'il fallait développer. Il faut regarder ça comme le fait qu'ils t'ont laissé de l'espace pour améliorer le plateau. Quelque chose qui est karmique, c'est quelque chose qui est naturel. Même le mal est naturel. Vous regardez un enfant, là, puis il est aguissable, c'est naturel. C'est pas tout une affaire d'éducation. Tu regardes le père, tu regardes le gars, tu dis, « Ouais, écoute, il y a de qui tenir. » Naturel. Comportement d'un enfant, c'est naturel. Il peut être cassé dans ses mouvements premiers, mais si tu le laisses revenir à ses mouvements premiers, tu vas revoir le père ou la mère. Vos défauts viennent de vos parents dans la chaîne karmique. Vos talents viennent de vos parents dans la chaîne karmique. Et si vous ne le trouvez pas dans vos parents, allez voir vos grands-parents. Vous allez tout trouver. Mon père n'arrêtait pas de me dire que je ressemblais à son père. Puis je dis, ça va de l'air de quoi ton père? Il était comme toi. Ça m'avance, ça, là. Ben, il dit, regarde ce que tu fais, puis il était pareil. Je dis, ton père est astrologue. Il dit, non, non, non. Mais ben, il était bien d'avenir. C'est lui, dans Saint-Paul d'Abbotsford, qui avait le premier auto, le premier ci, le premier ça, la première télévision. Il était avant-gardiste, il était en avant d'eux. Il dit, toi, t'es toujours dans les derniers gadgets. C'est juste qu'il y en a plus que lui en avait, mais lui, il était dans les derniers gadgets, pareil, puis... C'est un excès. Un karma, c'est un excès. C'est un excès négatif ou un excès positif. Du karma, là, tel qu'on l'entend, nous autres, là, c'est un excès dans une polarité. C'est ça qui est du karma. Comme elle, si elle aurait un enfant, la petite fille ou petit gars, ça serait quelque chose de bien fonceur. Parce qu'elle est bien peureuse. Quand il est cassé, il est-tu cassé juste pour l'enfant? Oui, il est passé pour toute la chaîne en arrière. Non, il y a une libération qui se sent pour toute la famille. Toute la famille. Moi, tout ce que je règle dans ma vie au niveau du temps, ça se règle pour mon frère, ma soeur, mon père. Vos parents étaient excessivement mobiles, ils n'étaient pas assez à la maison. Vous allez avoir une vie où bien souvent vous allez être lié à vos enfants, puis vous allez être excessivement lié à vos enfants, donc en perte de mobilité à cause de cet attachement-là que vous avez à vos enfants. Un exemple. Vous êtes bien spirituel, vous allez avoir des enfants très terre-à-terre. Vous êtes très terre-à-terre, vous allez avoir des enfants qui vont aller dans des choses très abstraites. C'est pas l'idée de faire le contraire, c'est le fait que si vous êtes excessivement concret, il va falloir que l'enfant ait un petit peu de concret, mais soit capable d'aller dans un champ d'abstraction en prédominance pour contrebalancer. Bon, la question qu'on m'a demandé, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'enfant? En général, on se retrouve des sympathies avec des gens qui, souvent, ont la capacité de compléter ou de nous faire prendre conscience de choses qu'on n'a pas été capable de vivre. Puis si on est capable, parce que là, il faut tout faire le travail tout seul, si on n'est pas capable de faire les prises de conscience que ces gens-là font quand ils passent dans notre vie, là, ils nous font prendre conscience d'un manquement ou quelque chose du genre, puis si on ne le règle pas là, ça, il faut traîner ça dans une autre vie. Moi, ça, c'est un peu mon rôle avec vous autres, que ce que vous n'avez pas eu à travers vos enfants ou une famille quelconque, que... Ce que vous faites comme prise de conscience, Bernard aussi, les prises de conscience qu'il vous faisait faire, ça soulage, si tu veux, on pourrait dire, le karma du parent, en tant que parent, que vous autres, vous avez des affaires à régler face à votre propre famille, vos propres parents, puis aussi de parents en termes de rapport avec des enfants que vous avez. puis que l'enfant n'est pas capable de le régler parce que c'est trop lourd pour lui. Puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, que ça leur permet de faire des prises de conscience pour justement développer au max, sans avoir de... Tu sais, à course à relais, il y en a toujours un qui c'est le dernier pour se rendre à la ligne d'arrivée. Donc, il n'y a pas de relais à donner. Fait que pensez ça... Pensez la famille comme une course à relais. Puis qu'éventuellement, là, dans la chaîne, là, il y en a un qui a plus... Le relais, lui, il ne peut plus le donner à personne. C'est lui qui va finir au fil d'arrivée. Mais il faut quand même qu'il fasse sa course. Puis si... C'est lui qui est l'élément, si tu veux, qui est la mesure de toute l'équipe. Bien, c'est le dernier à passer au fil d'arrivée. Fait que la pression est forte sur lui. Est-ce que comprends-tu? L'amour que les gens ont pour nous autres. L'amour dans le sens... les personnes, disons, qui rentrent dans notre vie puis qui nous vouent un sentiment... comme un peu d'appartenance, tu sais. Puis ça va faire un peu comme un enfant qui est un élément de contrariété, là, mais qui te défait de ton excès de rage ou ton excès de colère, là, qui absorbe ton excès de feu ou d'électricité. Fait que tu n'es pas toujours obligé d'avoir un enfant, mais tu peux avoir du monde autour de toi qui font le même travail, si tu veux, de rebalancement des jeux de polarité. Mais il y en a tout le temps, par contre. Il y a toujours, même si on n'a pas d'enfant, il y a toujours des éléments humains qui viennent comme contrebalancer un manque qu'on a. Comme exemple, il y a bien des gens qui viennent me voir et qui n'ont pas eu vraiment un bon père. Et qui se servent de moi pour comme avoir le père qu'ils auraient voulu avoir. Au niveau des structures, au niveau de se faire parler d'une certaine façon. J'ai au moins 80% de ma clientèle qui viennent me voir pour m'essayer. Ils n'ont pas été capables de vivre la colère de l'adolescence vis-à-vis du parent. Tu sais, tu as besoin d'un père ou d'une mère, surtout un père, pour challenger l'autorité. Bon, ben, j'ai eu beaucoup de gens qui viennent pour me challenger au niveau de l'autorité. Ça complète leur formation. Pour savoir s'ils vont aller vers les forces noires ou vers les forces... les Jedi, là. Fait que, ou t'es Jedi ou t'es Gedi. La mère, elle apporte l'enveloppe. Un enfant qui a manqué d'enveloppe, c'est toujours la faute à la maman. Quand un enfant manque d'enveloppe, il est têteux dans la vie. Tandis que s'il a têté jeune, il ne tête plus personne après. C'est... Avec la dynamique du rapport. Je regarde les chats que j'ai chez nous, là, puis tous les chats qui têtent bien, là, ils sont tous fins, ces chats-là. Puis ceux qui ont de la misère à pogner une tétine parce qu'ils ne sont pas gros, là, c'est des petits cris, là, tu sais. Ils sont raides, durs, puis ils graffinent, puis ils maganent. Quand tu te grimpes après le corps, là, t'aurais beau faire, là, hey, le scotch tape, là. Ils en veulent. Ils cherchent une place pour manger, avoir de la chaleur, être bien, puis c'est des batailleurs. Fait que les gens qui sont bien agressifs, bien souvent, c'est des gens qui ont manqué de l'enveloppe maternelle d'une façon continue. Okay. C'est des gens que souvent, quand ils trouvent un nid ou une niche pour retrouver la chaleur humaine ou le confort humain, là, le confort affectif, ils deviennent extrêmement possessifs puis extrêmement dominateurs parce qu'ils ne veulent pas que ça leur échappe. Tandis que celui qui a eu un peu plus de... Tu sais, qui n'a pas peur de retrouver la tétine, là, il est lousse, il va laisser boire les autres. Il a le ventre plein, lui, anyway. OK. Ben, il est prédisposé à laisser plus aller, mais il faut toujours qu'il aille sa dose. T'sais, ça revient toujours à l'affaire de survivre, là. L'enveloppe, c'est un facteur d'équilibre pour ta survie. C'est... Mais l'effet d'enveloppe, c'est la domination la plus subtile sur la planète. Tu peux chialer après un pays qui est autoritaire, mais au moins l'autorité, c'est franc. Là, c'est bang, boum, bang. C'est toujours franc. Mais de l'enveloppe, c'est sournois. Parce que tu sais que tu en as besoin, tu en as en général besoin tout le temps, mais c'est pas à la demande. Hein, c'est comme si l'autre te l'oblige. Il t'oblige à un niveau d'enveloppe parce qu'il y a bien des mères qui enveloppent les enfants parce qu'ils ont une peur de manquer d'identité. Ça fait que l'enfant devient leur identité. Tu sais, les mères qui gardent les enfants là, le plus longtemps. Ils ont, tu sais, les enfants ont 30 ans et sont encore à la maison. C'est pas la faute à l'enfant, ça. Il y a une guille dans la main là, qui n'est pas serrée comme il faut, là, ça c'est sûr. C'est pas intelligent qu'une mère garde son enfant toute sa vie, c'est ridicule. Quand elle garde un bon contact, c'est une façon de voir. Par rapport à celui qui travaille beaucoup, il va dire, moi, j'ai des enfants fainéants. Mais tu demandes à celui qui travaille beaucoup d'essayer de faire ce que ses enfants font, il va souffrir le martyre. Fait que c'est relatif. Ben c'est ça. Fait que s'il fait la vie de l'enfant, c'est-à-dire rien faire, c'est moi, je ne suis pas capable de rien faire. Rien faire, tu me rends fou. Une semaine à rien faire, je capote. Vraiment rien faire, là, j'ai pas le droit de... Tu sais, tout le monde, je veux laver les planchers. Non, non, non, je vais le faire, Daniel. Tu sais, je veux lire un livre. Non, non, non, je vais le lire à ta place. Sacrement. Touchez-moi plus. Tu sais. Hey, moi, je fais juste me faire dire, dans la journée, t'es fin, on t'aime bien. Faudrait pas que tu meurs. Blablabla. J'ai hâte de rentrer chez nous, je n'ai plein mes bottes. Non, c'est trop, là. Utilisez-moi, là. Seulement. Commencez pas à spéculer sur votre avenir avec le mien.